trois accords. Hein. Balade. Voilà. Regarde à toi, petit. Tu n'es pas sur volcanique ici. Tu ne retournes pas du tout. Tu demandes l'autorisation à Dark Vador. Sinon, je t'envoie du côté obscur. Salam alaikum mes frères. Yeah. Jérôme. Thank you. Thank you.